12e station. Jésus meurt sur la croix. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Enfin, tout est consommé, la victime est sur l'autel, le pontife de la loi nouvelle offre à Dieu son sacrifice. Jésus remet son âme entre les mains de son Père, jette un grand cri, baisse la tête et expire. Jésus s'immole en holocauste, il offre son corps et ses sens, son âme et ses facultés, et la dignité infinie de sa personne donne une valeur infinie à son sacrifice. Il se dévoue à la gloire de son Père sans réserve et sans partage, et ce sont les flammes du plus ardent amour qui embrasent et consument la victime. Ainsi proteste-t-il que Dieu est le souverain maître de l'univers, le principe et l'auteur de tout bien, la fin dernière de toutes les intelligences. Il proteste que pour rendre à cette souveraine majesté l'adoration qui lui est due, ce n'est pas assez des hommages de toutes les créatures, mais qu'il faut le sang d'un Dieu. Jésus s'immole en victime de propitiation. Il se rend obéissant jusqu'à la mort, à la mort de la croix. Il s'offre comme le divin agneau qui seul peut effacer les péchés du monde. Portant en sa chair la malédiction et le fardeau de l'humanité, il présente au souverain Seigneur de la vie et de la mort ses prières et ses supplications, en versant des larmes et en jetant un grand cri. Puis il baisse humblement la tête sous les coups les plus sévères de la justice, et par la consommation de son obéissance, il paye pour tous le prix du rachat, purifie les consciences de toute œuvre morte, triomphe de l'esprit de révolte, brise les armes du démon et devient pour tous ses fidèles disciples la cause du salut éternel. Jésus s'immole en hostie pacifique. Il offre son sang pour nous obtenir la grâce d'entrer dans le sein des saints. Il nous ouvre par sa chair la voie d'une vie nouvelle. Il confirme par sa mort le testament de la nouvelle alliance. Son humanité rétablit la paix et l'harmonie entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'homme. Elle est pour tout le genre humain une source inépuisable de grâce et de sainteté. Pour Dieu, une hostie d'action de grâce qui égale tous ses bienfaits. Ô Jésus, c'est pour moi que vous mourrez sur le calvaire. Et moi, qu'ai-je fait jusqu'ici pour répondre à un tel excès d'amour? Hélas, je devrais avoir attaché en moi le vieil homme à votre croix. Et cependant, jusqu'ici, je ne suis pas mort au péché. Je n'ai pas détruit le corps du péché. Et je ne me suis pas affranchi de sa servitude. Loin de faire servir mes membres d'armes à la justice divine, je consulte encore les désirs de la chair. Je n'ai pas crucifié ma chair avec tous ses vices et ses convoitises. Le monde n'est pas crucifié pour moi, ni moi pour le monde. Ô Jésus, divin rédempteur de mon âme, enseignez-moi par votre mort l'esprit de mortification et de sacrifice, de renoncement à moi-même et de dévouement à Dieu. Accordez-moi la grâce de mourir chaque jour à moi-même, d'accepter avec résignation et amour les croix que Dieu me présente. Ô, puissé-je brûler à jamais d'un ardent amour pour un Dieu qui m'a tant aimé. Puissé-je ne plus vivre que pour lui, rapporter à sa gloire tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Puissé-je, ô mon unique médiateur, expier par le sacrifice de tout mon être toutes les fautes de ma vie, détruire en moi toute cause d'inimitié ou de refroidissement avec mon Père céleste, et me montrer désormais saint sans tache, et irrépréhensible devant lui. Puissé-je, aux sources ineffables de tout bien, puiser incessamment aux immenses trésors de grâce, aux bénédictions surabondantes qui sont les fruits de votre mort, et répondre à chacun de vos bienfaits par de nouveaux élans d'amour et de reconnaissance. Ô Jésus, sur votre croix, vous m'avez uni à vous comme un membre de votre corps. Faites donc que je croisse en vous pour être un temple saint à jamais consacré à la gloire du Seigneur. Inspirez-moi tous vos sentiments, ô pontife éternel. Accordez-moi surtout le don de piété, cet esprit d'adoption des enfants qui nous fait crier « Mon Père, mon Père !» et qui, par la grâce du Saint-Esprit, nous pénètre d'un respect, d'une affection toute filiale pour notre Père qui est au ciel, d'un dévouement sans borne à son culte. Unissez-moi à votre sacrifice, afin que tous les jours de ma vie je sois un même holocauste avec vous. Une même victime de propitiation, une même hostie pacifique.